Là où le vent exporte les sentiments, vrais sentiments sans commencement ni fin, d'un continent à l'autre, à bout portant, d'un pays voisin à un pays lointain, d'un pays ami à un pays ennemi, d'une contrée à l'autre, comme un rayon vert aperçu à l'horizon. Là où le vent cultive l'espoir en étendard, comme un drapeau qui claque, comme une vague qui échoue sur la digue, j'exporte ma révolte au-delà de l'océan, comme un pont formé de trois petits points de suspension. Le monde aux alentours tourne comme une spirale qui relie la feuille que je déchire. La matière est inerte, comme la mort au tombeau, tandis que l'esprit souffle sur l'eau d'une seule respiration. Amour feinté, ces poèmes, autrefois écrits sentimentalement, conservent leur charme pourtant, que je ne saurais oublier malgré le temps. Amour tout simple, le regard signe l'amour, et ton corps semble léger comme une bulle de savon.